Amos chapitre 6. Hola, vous qui êtes à votre ascension, et vous qui vous confiez en la montagne de Samarie, lieu les plus renommés d'entre les principaux des nations, auxquels va la maison d'Israël. Passez jusqu'à Calné, et regardez, et vous en allez de la Hamath la Grande, puis descendez à Gath des Philistins, n'était-il pas plus excellent que ces royaumes-ci? Leur pays n'était-il pas plus étendu que votre pays? Vous qui éloignez les jours de la calamité, et qui approchez de vous le siège de violence. Qui vous couchez sur des lits d'ivoire, et vous étendez sur vos couches, qui mangez les agneaux choisis du troupeau, et les veaux pris du lieu où on les engraisse. Qui fredonnez au son de la musette, qui inventez des instruments de musique, comme David. Qui buvez le vin dans des bassins, et vous parfumez des parfums les plus exquis, et qui n'êtes point malade pour la plaie de Joseph. À cause de cela ils s'en iront incessamment en captivité, entre les premiers qui s'en iront en captivité, et le luxe de ces personnes voluptueuses prendra fin. Le Seigneur, l'Éternel, a juré par soi-même, l'Éternel, Dieu des armées, dit ainsi, j'ai en détestation l'orgueil de Jacob, et j'ai en haine ses palais, c'est pourquoi je livrerai la ville et tout ce qui est en elle. Et s'il arrive qu'il y ait 10 hommes de reste dans une maison, ils mourront. Et l'oncle de chacun d'eux les prendra, et les brûlera pour en mettre les ossements de la maison, et il dira à celui qui sera au fond de la maison, y a-t-il encore quelqu'un avec toi? Et il répondra, c'en est la fin. Puis son oncle lui dira, tais-toi, car aussi ils n'eussent point fait commémoration du nom de l'Éternel. Car voici, l'Éternel commande, et il frappera les grandes maisons par des débordements d'eau, et les petites maisons par des fentes. Les chevaux courront-ils par les rochers, ou y laborera-t-on avec des bœufs? Mais vous avez changé le jugement en fiel, et le fruit de la justice en absinthe. Vous vous réjouissez en des choses de néant, et vous dites, ne nous sommes-nous pas acquis de l'élévation par notre force? Mais, ô maisons d'Israël, voici, j'élèverai contre vous une nation, dit l'Éternel, le Dieu des armées, laquelle vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert.